prit note de tous ses aveux, et les lui montra dans un moment lucide. Yao Tse mourut de honte et de douleur. Acheter des louanges mensongères. Commentaire. L'expression kumai signifie proprement acheter des marchandises avec de l'argent. Par les mots yuyu, louange vide, on entend une réputation brillante qui n'est point fondée sur un mérite vrai et solide. Par exemple, lorsqu'un magistrat, qui ne possède aucun talent administratif, achète à prix d'argent des recommandations honorables et fait graver son éloge sur des tables de pierre, lorsqu'un lettré, qui ne possède aucune vertu solide, se fait des amis complaisants, qui le vantent à l'envi et ne cesse de faire son éloge. Ces hommes trompent leur siècle de mille manières pour obtenir une réputation usurpée et satisfaire leur vue ambitieuse. Ils ignorent que les esprits et les démons se tiennent constamment à leur côté et observent leur conduite. Chinyi disait : dans tous les temps, la réputation a été comme un beau vase, qui excite l'envie de celui qui ne l'a pas fait. Or, celui qui acquiert de la réputation acquiert en même temps le bonheur. Mais l'homme qui achète des louanges sans posséder un mérite réel, ne tarde pas à perdre le bonheur qu'il avait usurpé. Tsetong Tiku dit : en empruntant les actions des autres, en usurpant leur réputation, on allume au plus haut point la colère des dieux, mais il vaudrait encore mieux exciter la colère des dieux que de s'abandonner à la corruption du siècle. Il y a des hommes qui empruntent leur réputation, leur composition littéraire, leur savoir, leur vertu, et qui réussissent à étendre au loin leur renommée, mais un beau matin, leur conduite odieuse finit par être dévoilée, et ils perdent à la fois la réputation et la vie. Non seulement ils sont dépouillés du bonheur dont ils jouissaient, mais ils sont encore accablés de malheurs bien plus terribles que ceux qui affligent le commun des hommes. Cacher un cœur perfide. Commentaire. Les mots Piao Chu signifient renfermer intérieurement une chose, de manière que les autres hommes ne puissent ni la sonder ni la découvrir. Les mots Yinsin signifient un cœur, des entrailles perfides. Cette expression s'applique à ceux qui cachent un cœur perfide et cruel, et qui nuisent secrètement aux autres. C'est comme si l'on tuait quelqu'un avec une flèche lancée dans l'ombre, la victime ne peut la voir et l'éviter. Ceux qui tiennent une semblable conduite finissent toujours par en être cruellement punis. Histoire de Chang Chen étant allé, avec Chang, en minute, visiter un général en chef, se mit à calomnier un de ses amis. Vous êtes intimement lié avec cet homme, lui dit, en minute, pourquoi l'avez-vous diffamé avec tant d'acharnement? Je le déteste de toute mon âme, lui dit Chen, et ce n'est qu'en apparence que je suis lié avec lui. Ce que vous dites là, lui répondit, en minute, et ce qu'on appelle faire amitié avec quelqu'un et cacher contre lui une haine secrète. Dans la suite, Chang Chen ayant obtenu un grade élevé, fit destituer en minute et tua lui-même son fils. Mais bientôt après, en minute trouva de nombreux vengeurs. Chen fut envoyé en exil et il mourut. Sa femme et ses enfants furent séparés les uns des autres et finirent leurs jours dans des pays étrangers. On lit dans une ancienne pièce de vers, les hommes de l'Antiquité ressemblaient extérieurement à des bêtes sauvages, mais ils étaient doués d'une vertu sublime qui les élevait à la sainteté. Ceux d'aujourd'hui ont une figure d'homme et un cœur de bête sauvage qu'il est impossible de sonder. Quand ils vous sourient, ne croyez pas à leur attachement. Quand ils pleurent, ne croyez pas à leur douleur. Leur amitié ne dépasse pas le bout des lèvres, mais le fond de leur cœur est hérissé de ronces et d'épines. Ces vers paraissent avoir été composés au sujet de ceux qui cachent un cœur perfide. Les livres de FO disent, au lieu de réparer les ponts et d'entretenir les routes, aplanissez le terrain de votre cœur. Quand le terrain du cœur est aplani, toutes les autres choses s'aplanissent promptement. Ce que nous venons de dire devrait dissiper l'aveuglement de ceux qui cachent la perfidie dans le fond de leur cœur. Rabaisseur, les hommes d'un mérite supérieur. Commentaire. Le mot tso, un, signifie courbé, brisé. Les mots tso-chang, ce en quoi on excelle, désignent ici des talents transcendants. Le ciel donne des talents à l'homme afin qu'il les emploie pour le bien du monde. Si vous êtes vêtu d'une magistrature, vous devez recommander avec zèle les hommes de talent, afin qu'ils puissent travailler au bonheur de leurs semblables. Si vous n'êtes qu'un simple particulier, vous devez leur témoigner la plus grande estime, afin que les hommes du siècle cherchent à les imiter. Si, au contraire, vous déprimez leur talent, vous étouffez la noble ardeur qui les anime. Histoire Mosius s'était fait une grande réputation par ses talents poétiques. L'empereur Qin Song, ayant vu des vers qu'il avait écrits sur un mur du palais, ne put s'empêcher de les louer et de les admirer. Comment mes ministres, s'écria-t-il, ne m'ont-ils pas recommandé un homme aussi habile dans les lettres? Ting Wei, d'un seul mot, rabaissa sa réputation. C'est, répondit-il, que ses actions ne valent pas ses écrits. Dès ce moment, l'empereur ne s'informa plus de Megaoctesiu. Ting Wei, qui avait ainsi rabaissé le mérite de Megaoctesiu, fut privé, quand il mourut, des honneurs de la sépulture. Couvrir ses imperfections. Commentaire. Le mot « un » veut dire ici caché, pallier. Par les mots qui sautouent en 2-3-4, peut entendre l'infériorité de nos forces, de nos talents comparés à ceux des autres, ou bien les fautes que nous avons commises contre la justice et la raison. Dès qu'un homme connaît ses imperfections, il doit faire tous ses efforts pour s'en corriger. Mais s'il s'obstine à ne point reconnaître ses erreurs, s'il déguise ses vices, s'il met un entêtement opiniâtre à les justifier, si enfin il emploie toutes sortes de moyens pour les dissimuler, il ressemble à un homme qui cacherait sa maladie par crainte du médecin. Il contractera infailliblement une infection mortelle, qui rendra inutiles toutes les ressources de l'art. Histoire Xu Wen, surnommé Qin Kong, qui vivait sous la dynastie des Ming, inspectait un jour une école dans la province de Zhejiang. Il y avait un bachelier qui, au milieu de sa composition, avait terminé une phrase par les mots Yen Ku Kong Chou. Xu Wen les effaça en disant « C'est un passage de tout fou ». Ensuite il examina les différentes copies et prononça sa décision. Lorsque le jeune bachelier s'approcha de lui, et lui dit, « Ces mots ne sont point de tout fou, ils sont tirés de l'ouvrage du philosophe Yang Tzu, intitulé Fayen. » Xu Wen répondit aussitôt, « Je suis parvenu de très bonne heure à la charge que j'occupe sans l'avoir méritée par mes talents, et jusqu'à présent je n'ai encore lu qu'un petit nombre de livres. Je reçois votre avis avec plaisir. » En disant ces mots, il changea sa décision et fit monter d'une place le jeune bachelier. Xu Wen montra par cette conduite qu'il était véritablement incapable de couvrir ses torts et ses imperfections. Cette expression « couvrir ses imperfections » ne s'applique pas seulement à nous-mêmes. Lorsque nos enfants, nos employés ou les étrangers que nous recevons chez nous commettre des fautes, c'est nous seuls qui en sommes cause. Si nous nous plaisons à entretenir leur mauvaise disposition, au lieu de prévenir le mal ou de l'empêcher, on peut dire que nous cherchons à couvrir nos fautes. Nous ne pouvons manquer d'être enveloppés dans les châtiments qui leur sont réservés. profiter de sa puissance pour violenter ou opprimer les autres. Commentaire. Les mots Xingwei signifient s'appuyer sur sa puissance. Le mot P, 3, veut dire forcer, contraindre. Le mot Yé, 4, signifie opprimer. Par exemple, lorsqu'un magistrat voit un homme qui ne lui obéit pas et qu'il le force à lui obéir, lorsque quelqu'un ne veut pas lui donner de l'argent et qu'il le force à lui en donner, lorsqu'il force le peuple à exécuter des travaux publics ou à faire des corvées, lorsqu'il lève des impôts en argent ou en grains, et qu'il les exige en totalité à une époque déterminée. Lorsqu'un homme riche et puissant emploie son autorité pour satisfaire ses passions, qu'il force un homme à lui vendre une propriété qu'il voulait conserver, qu'il force une femme vertueuse à céder à ses désirs. Lorsqu'un homme emploie la violence pour se faire payer de ses débiteurs, lorsqu'il abuse de sa force pour assouvir sa cupidité, lorsqu'il exige les loyers des terres jusqu'au dernier denier. Toutes ces actions impliquent l'usage de la puissance pour violenter ou opprimer les hommes. Une telle conduite excite l'indignation des hommes et le courroux des dieux. Elle entraîne toujours après elle les plus cruels châtiments. Histoire Meiji, surnommé Xiang Kong, avait été, dans l'origine, gouverneur du district de Ku Huaiyin. Un jour un eunuque du palais lui offrit un pied de cochon et le pria de le faire payer de ses dettes. Xiang ayant fait cuire le pied de cochon, invita l'eunuque à dîner et convoqua en même temps tous ses débiteurs. Quand ils furent devant lui, il les gourmanda avec dureté. Ceux-ci s'excusèrent sur leur pauvreté. « Comment osez-vous, leur dit-il, apporter un tel prétexte pour ne point payer ce que vous devez à son excellence? Il faut absolument que vous vous acquittiez aujourd'hui. Si vous différez d'un instant, je vous fais périr sous les coups de bâton. » Les débiteurs sortirent en pleurant. L'eunuque parut touché de compassion. Xiang les rappela et leur dit avec un air courroucé : « Je sais certainement que vous êtes pauvres, et cependant il faut que vous me payiez sans remise. Vendez sur le champ vos femmes et vos enfants, et apportez-moi l'argent que vous aurez reçu. Néanmoins, comme je vous tiens lieu de père et de mère, je ne puis souffrir que vous vous sépariez tout à coup de ce que vous avez de plus cher au monde. Je vous fais grâce d'un jour pour aller dire adieu à vos femmes et à vos enfants, que vous ne reverrez plus de votre vie. » À ces mots, les débiteurs redoublèrent leurs pleurs et leurs gémissements. L'eunuque se retira en versant des larmes et renonça à se faire payer d'eux. Il prit les obligations qu'il lui avait souscrites et les mit en pièces. Hélas, ajoute le commentateur, si l'on voit dans ce monde des hommes qui profitent de leur puissance pour violenter ainsi leurs débiteurs, c'est qu'ils n'ont point réfléchi à la position cruelle de ceux qu'ils forcent à vendre leurs femmes et leurs enfants. S'abandonner à la cruauté, blesser et massacrer. Commentaire. Les mots Zong Pao signifient s'abandonner à la cruauté de son caractère. Les mots Shashang veulent dire tuer, égorger des hommes ou des animaux. La Providence aime à leur donner la vie, mais la vie de l'homme est celle qu'elle estime le plus. Si donc le ciel punit celui qui tue un autre homme par imprudence, il est aisé de juger combien est coupable celui qui s'abandonne de propos délibérés à la cruauté de son caractère. Histoire. Autrefois, Shangyang demeurait près de la rivière Wei. Un jour il fit mourir un si grand nombre de criminels que les eaux de la rivière Wei en devinrent rouges. Dans la suite, Shangyang fut écartelé tout vivant par 5 chevaux fougueux. Sous la dynastie des Yuan, il y avait dans l'arrondissement de Guangzhou, un homme appelé Huang, qui avait la charge de Tongqi. Le mari et sa femme étaient dangereusement malades et dormaient dans deux lits séparés. La femme vit en songe un magistrat qui tenait dans sa main un mandat d'amener. Il était accompagné de plusieurs soldats munis de chaînes de fer. Ayant ouvert les rideaux de son lit, il dit en la voyant : « Ce n'est pas cela. » Puis il passa au lit du mari et s'écria : « Voici le coupable. » Le mari et la femme s'éveillèrent tous deux en sursaut. « Ma dernière heure est arrivée, » dit alors Huang. Autrefois, ayant été chargé d'apaiser une révolte, j'ai fait mourir un grand nombre d'hommes innocents. Ce sont eux qui viennent aujourd'hui demander ma mort. En effet, il expira à la fin du jour. Quant aux animaux, on peut dire que quoiqu'ils diffèrent de nous par leur forme extérieure, le principe vital qui les anime est le même que chez l'homme. Réfléchissons un instant. Si nous tombons malades, est-ce que nous consentons à mourir de suite? Nous ne manquons jamais d'appeler le médecin et d'interroger les sorts dans l'espoir d'une prompte guérison. Et lorsque le terme fatal est venu, nous ne sommes nullement décidés à mourir de suite. Nous avons soin de prier le ciel afin que notre vie soit prolongée. Si donc nous craignons la mort, pourquoi les animaux ne la craindraient-ils pas aussi? Si nous sommes attachés à la vie, pourquoi n'y seraient-ils pas également attachés? Or, s'il en est ainsi des animaux, à plus forte raison, devons-nous respecter la vie des hommes. Tailler des étoffes sans motif d'utilité. Commentaire. Les anciens disaient, un pouce de soie a coûté la vie à 1000 vers à soie, et il faut des milliers de fils de soie pour faire une pièce d'étoffe. Si vous coupez des étoffes à la légère et sans aucun motif raisonnable, si vous les foulez aux pieds, vous diminuez la somme de votre bonheur, et vous perdez l'argent qu'elles ont coûté. Voilà un péché dont il faut se garder avec la plus grande attention. Histoire. Chu Vuyao était un homme d'une grande opulence. Sa femme et ses concubines étaient vêtues d'étoffes brodées avec une rare magnificence, et portaient des caleçons et des bas de la soie la plus estimée. Ses autres dépenses étaient encore plus ruineuses. Quand Vuyao fut mort, ses femmes et ses concubines, qui n'avaient plus que des robes en lambeaux et des souliers usés, allèrent demander à leurs voisins quelques aunes de toile pour se couvrir, mais personne ne leur en voulut donner. Voilà le châtiment que l'on encourt en détruisant soi-même son bonheur comme Chu Vuyao. Yuan Liao Fan avait un fils nommé Yen. Sa mère lui fit elle-même un vêtement. Comme elle voulait acheter de la bourre de soie pour le garnir, Liao Fan lui dit : « La soie est légère et chaude. Puisque nous en avons chez nous, à quoi bon acheter de la bourre de soie ? La soie est chère, répondit la mère, mais la bourre coûte très peu de choses. Je vendrai la soie que nous avons, et j'achèterai de la bourre de soie. Je pourrais faire un grand nombre de vêtements chauds que je donnerai à ceux de nos parents qui n'ont point d'habits et qui sont exposés à toutes les rigueurs de l'hiver. Vous avez raison, lui dit Liao Fan. Voilà le moyen d'assurer une longue vie à cet enfant. Dans la suite, Yen obtint le grade de docteur. Et non seulement il vécut longtemps, mais il fut encore élevé aux honneurs les plus éminents. Les pères et mères doivent ainsi ménager le bonheur de leurs enfants. Tuer des animaux domestiques et les faire cuire, sans y être obligés par les rites. Commentaire. Pour offrir un sacrifice, pour nourrir ses parents ou traiter des étrangers, on ne peut se dispenser de tuer des animaux domestiques. C'est un devoir que prescrivent les rites. Mais vous violez les rites si vous les tuez pour satisfaire votre appétit. Le mot pang, 3, signifie faire cuire. Le mot zai, 4, veut dire tuer. Le livre d'Hérite dit, l'empereur ne tue pas un bœuf sans motif, un tafou ne tue pas un mouton sans motif, un lettré ou un simple particulier ne tue pas sans motif un chien ou un cochon. On viole les rites toutes les fois qu'on tue sans motif un animal domestique. Il y a des hommes cruels qui tantôt font périr plusieurs animaux pour un seul repas, tantôt en tuent un sang pour préparer un bouillon. Les uns jettent dans la poêle des écrevisses vivantes, les autres élèvent des poissons pour faire du hachis. Ceux-ci prennent des petits arrachés du sein de leur mère, ceux-là des animaux assez tendres pour être mangés crus, par exemple des huîtres. Ordinairement ils les font rôtir et les assaisonnant de mille manières pour satisfaire leur gourmandise et leur voracité. Il n'y a pas un seul de ces crimes qui ne reçoive tôt ou tard son châtiment. Histoire. Sous la dynastie des Tang, Changi Chi et ses jeunes frères Chang Tsong et Changi occupaient des charges éminentes. Changi Chi fit construire une cage de fer où il enferma des oies et des canards. Il alluma un feu ardent avec du charbon et plaça à côté des volatiles un plat de cuivre rempli d'une sauce exquise qu'ils burent avidement, pour apaiser la soif qui les dévorait. Ils moururent bientôt rôtis au-dedans et au-dehors. Chang Tsong employa le même procédé pour faire rôtir un mulet. Une autre fois il brisa les côtes d'un cheval vivant et arracha ses entrailles palpitantes. Quelque temps après, Changi Chi et Chang Tsong furent mis en pièces par des hommes du peuple. Ils mangèrent leur chair, qui était blanche et grasse, comme celle d'un porc ou d'un mouton. D'autres hommes brisèrent les deux jambes de Changi et lui arrachèrent le cœur et le foie. À Suche où vivait un certain Siu, qui possédait une grande fortune. Il se livrait avec passion au plaisir de la table. Il coupait les morceaux les plus délicats de chaque animal et jetait le reste. Aussi faisait-il tuer un grand nombre d'animaux. Le 15e jour du premier mois de la deuxième année du règne de Wanli, 1574, il prépara un repas magnifique où il étala avec profusion les mets les plus recherchés. Tout à coup son ventre s'enfla et il mourut. Les hommes que nous venons de citer ont été ainsi punis pour avoir tué et fait cuire des animaux hors des cas prescrits par les rites. Sous la dynastie des Song, Xiao Qin vit en songe un esprit qui lui dit « Vous ne vivrez que jusqu'à l'âge de 18 ans. » Quand il eut atteint l'âge de 17 ans, son père fut nommé commandant des troupes de la province de Sichu. Il ne voulut point l'accompagner. Son père lui en ayant demandé la cause, il lui raconta le songe qu'il avait eu. Son père se moqua de sa simplicité et le força de le suivre. Ils arrivèrent bientôt dans la province de Sichu. D'après un ancien usage, le commandant en chef des troupes devait, en entrant en fonction, offrir un grand repas, dans lequel on servait un mets appelé Yuchukang. On prenait une vache à lait qu'on approchait d'un feu ardent. On perçait ses mamelles avec un stylet de fer, et on y laissait figer le lait qui en sortait pour le manger ensuite. Xiao Qin étant allé par hasard à la cuisine, vit qu'on attachait une vache à lait près du feu. Dès qu'il eut appris le but qu'on se proposait, il courut en informer son père. Il demanda la liste des plats qu'on devait servir et décida qu'on renoncerait à ce mets. De plus, il fit écrire au-dessus le mot Yong pour toujours. Quelque temps après, il eut un nouveau songe et vit un esprit qui lui dit « Vous avez maintenant des vertus cachées. Non seulement vous ne serez pas emporté par une mort prématurée, mais vous pouvez même espérer de vivre jusqu'à 100 ans. Dans la suite, il obtint la charge de Seqing et vécut jusqu'à 90 ans. Voilà comment fut récompensé Xiao Qin pour n'avoir pas souffert qu'on mangeât un animal domestique hors des cas prescrits par les rites. Parmi les 6 animaux domestiques, le bœuf est celui qui éprouve les plus rudes fatigues. Mais il existe des lois connues de tout le monde qui empêchent les hommes de tuer, de leur autorité privée, le bœuf qui laboure. C'est un crime dont nous devons particulièrement nous garder pendant toute notre vie. On lit dans les instructions de Yuanti, le bœuf a une origine céleste, c'est pourquoi il n'est permis de l'offrir qu'au ciel et à la terre et aux esprits du ciel. Dans le ciel, son corps répond à une constellation. Ici-bas, son travail fait fructifier la terre. Il rend de grands services aux hommes et ne fait de mal à personne. Celui qui le tue est puni par les lois de l'État. Celui qui le mange est châtié dans l'autre monde. Le mot Lao, prison, est dérivé d'un mot qui signifie bœuf, et le mot Yo, enfer, d'un mot qui veut dire chien. Celui qui ne mange point la chair du bœuf ni du chien, échappera à la prison et aux peines de l'enfer. Mais si un homme en mange pendant 3 jours, les démons et les esprits lui enlèveront le principe de la vie. S'il s'en abstient pendant 3 jours, son nom sera inscrit au ciel. Le bœuf se nourrit d'herbe. Quel mal fait-il à l'homme? L'homme se nourrit de toutes sortes d'aliments. Il peut donc s'abstenir de la chair du bœuf et du chien. Un homme de Kunling, nommé Chu Qifan, qui n'avait pas encore obtenu le 3e degré littéraire, vit en songe un esprit qui lui dit « Cette année, c'était Sui Ming, de Qinqiang, qui devait obtenir le 1er rang sur la liste des docteurs. Mais comme il a abusé d'une jeune fille qui s'est enfuie avec lui, je l'ai mis sur le champ du concours. Depuis plusieurs générations, votre famille pratique comme la sienne des vertus secrètes. Vous deviez être le second sur la liste et obtenir le grade qu'il a perdu, mais depuis 3 générations, personne dans sa famille n'a mangé de la chair de bœuf, tandis que votre père seul ne s'en est pas encore abstenu. S'il peut se corriger promptement, c'est vous sans aucun doute qui obtiendrez le titre de Kuang Yuan, le 1er rang sur la liste des docteurs.